conseil. Ma paix barou, faut coucouter. Quoi suspendrait même tout bon jeune gens. Où ça ouais, devant la fête. Où t'es petit, où t'es qu'un maman. Avec papa qui pourrait de où. Tout ça blé, yo t'oblige, blé tout. Ouais, cougné, c'est pas même bagaille. Accident. Belle petite, mon petit conseil. Ma paix barou, pour coucouter. Quoi suspendrait même pour bon jeune gens. Pour ça, ouais, de bonnes affaires. Où t'es petit, où t'es qu'un moment. Avec papa qui pourrait de où. Tout s'oblé, yo t'oblige, de tout. Pour écouter, c'est pas même bagaille. Conseil. Changer chérie, mon cas, mon pitié. Mais tant, il est temps.